Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd, si c'est la première fois que tu l'écoutes, je te le confirme. Le titre résume bien le concept. Je critique les foules. Mais pour tous ceux qui sont habitués de l'émission, je le sais que tu le sais, que je la regarde surtout. Je l'observe avec amour. J'essaye de la comprendre. Et je vous dirais que cette semaine, je suis encore bouillonnante de mes réflexions. Alors, j'espère vous les partager du mieux que je le peux. Ah, c'est toujours les événements qu'on pourrait s'attendre le moins qui vont susciter en moi les plus grandes réflexions. Et cette semaine, ce sera le cas parce que je vous parle du bal en blanc. Oui, oui, je te le dis, parce que cette année, exceptionnellement, je crois, parce que c'était spécial et unique, mais peut-être ça se reproduira dans les prochaines années, ils étaient à l'extérieur. Ils étaient même sur le site des pique-niques qui est nouvellement aménagé à la plaine des Olympiques. Et justement, la semaine dernière, c'était les pique-niques de CISM. Alors, des fleurs, du bonheur, de la joie. Ça, je te le partage dans toute la légèreté que nous avons eue de vous voir, crowd. Alors, ben oui, ça va être une émission assez électro, peut-être pas nécessairement dans mes choix musicaux. Ouais, ouais, ouais, j'aime bien quand ça rock et j'aime bien quand ça varge parce que justement, on va commencer en musique avec Marée Noire. Leur tout premier spectacle avait lieu en fin de semaine. Ah là, j'étais vraiment déçue de pas vous le partager, cher auditeur, parce que, oh mon Dieu, ça devait être fou. C'était durant le Do You Event Fest et il y avait plein de groupes que j'aime, comme Nouchou, qu'on va aussi écouter avec une de leurs nouvelles chansons, Pantalon trop court, qui se retrouve sur la compilation Pentagon Black Number 3. Et il y avait aussi Cloaca, Carcajou, Banal, vraiment une soirée qui varge, mais qui varge assez bien, merci. Alors voilà, on va l'écouter Nouchou, mais tout de suite, Marée Noire. We'll be right back. Nouchou et Marée Noire sur les ondes de CISM avec Critique de Crowd. Qui vous jase? Oh, je crois que depuis que j'anime sur les ondes du 89.3, à chaque année, je vous en fais un semi-segment, semi-spécial, parce que toutes les émissions sont spéciales à Critique de Crowd à propos du pique-nique électronique. Ben oui! Parce qu'il y a toujours une journée présentée par CISM. Déjà en partant, j'aime bien revenir sur le sujet. Et aussi, ben parce que les pique-niques, j'avoue, j'aime ça, j'aime l'ambiance. Et à y être allé quelques fois cet été, ben écoute, je peux même te rapporter certains événements qui ne se sont pas passés le 16 juillet, qui comportent, oh mon Dieu, des acrobaties assez incroyables. J'ai déjà hâte de t'en jaser. Mais avant, peut-être que toi, oui, toi, cher auditeur, tu n'es jamais allé au pique-nique et tu te dis, mais que se passe-t-il là-bas? Ben écoute, c'est surtout 19 événements qui se passent du 21 mai jusqu'au 24 septembre. C'est de la musique électronique de wow! Pour, j'utilise le mot démocratiser la musique électronique. C'était surtout pour la sortir des raves, des after à l'époque. La sortir de la pénombre pour la mettre au grand jour. Et c'est carrément le cas parce que jusqu'à cette année, c'était à la place de l'homme sous cette sculpture qu'on appelle le Calda, puisqu'elle a été construite par Alexandre Calda, ou plutôt conçue. Là, je suis pas sûre qu'il ait gossé lui-même à grand coup de gros boulons en métal, là, pour tous ceux qui ont l'image. Oui, elle est énorme et métallique, ce merveilleux caldaire. Et ouais, il faisait chaud! Parce que c'était tout bétonné, ben tout en asphalte à terre. Et en même temps, bah oui, ça donne l'occasion de danser nu-pieds sans plein de boîtes, là. C'est quand même pratique! Sinon, il y avait une petite scène beaucoup plus loin. Il y avait aussi, du pédalo. Il y avait quand même certaines activités au pique-nique que j'avoue n'avoir jamais participé. J'aime bien la crowd, mais j'aime bien comme la bonne relation entre artiste et crowd. Alors, quand ça danse, quand il y a le DJ, j'aime ça voir, mais du pédalo, bon, non, j'ai jamais participé puis j'ai jamais fait la critique de crowd de cette section-là. Alors, oui, alors même jusqu'à cette année, les années avant, il y avait deux scènes et c'est encore le cas. Je parle semi dans le présent, semi dans le passé, parce que je trouve que c'est vraiment une année de changement, j'allais dire de transition, mais de changement complètement. Bon, j'apprends rien de nouveau. Le parc Jean Drapeau est en rénovation. Ben tiens. Alors oui, ça fait beaucoup de changements pour des événements à Montréal. On a juste à penser à Chicago et le Sonic, avait Montréal, qui n'a pas lieu cette année. Mais bon, en même temps, il y a Guns N' Roses, il y a Metallica. Fait que je pense que les métalleux sont comblés. Alors, fait que oui, il y a beaucoup de réaménagements sur l'île. Ce qui amène, oui, à reconcevoir aussi les événements. Et c'était à se questionner, est-ce que c'est pour... ça va être pour le bien, ce changement? Tu sais, les pique-niques étaient tellement associés au caldaire. C'était leur logo. Danser en dessous de la place de l'homme, il y a quelque chose de très symbolique, très beau. Et c'est là aussi que les organisateurs, les créateurs de l'événement, ils ont eu l'idée. Ils étaient en dessous de la place, puis en fait, hey, ce serait cool qu'on danse là. Fait que c'est vrai que c'est fort en symbolique de quitter la place de l'homme. Et... pour se rendre, tu vois, mon énervement de se rendre à la place des jeux. Là, je la rebaptise tout le temps. Tu vois, là, je viens déjà de pas bien la nommer. C'est la plaine des jeux que j'ai, au début de l'émission, appelé la plaine des Olympiens parce que, oui, là, tu sais, c'était du Rince Olympique. Puis, il y a plein d'accessoires d'entraînement sur le site qui sont là de façon permanente. Fait que tu ça, c'est drôle. Peu importe l'événement, parce qu'il y a eu EV Montréal sur le même site l'année dernière, peu importe le genre musical, va toujours avoir de la crowd qui va aller tester son muscle dans la section barreau de métal ou des enfants qui vont aller jouer. Là. Fait que c'est dans les deux cas, des enfants adultes qui jouent en tant qu'enfants adultes et des enfants-enfants qui s'amusent comme des enfants-enfants. Et oui, plein des jeux. J'étais pas certaine quand je suis arrivée la première fois sur le site pour la simple et bonne raison que je trouvais que ça faisait un peu chiaguesque. Ouais, une certaine forme de norme standardisation des événements à grande ampleur à Montréal. Tu sais, je trouve qu'ils finissent un peu tout par se ressembler. Oh, je me sentais difficile en même temps. C'est la même... étant donné que les glous et les pique-niques sont organisés par les mêmes personnes, oui, les bars et aussi d'autres sections du site sont dans les mêmes espèces de containers blancs, fait que on a l'impression qu'on vit quatre saisons à cette heure, mais finalement ces petites ressemblances pour d'autres événements ont finalement été complètement atténuées pour l'espace et le sentiment d'être faussement dans la nature, là. On n'est pas perdu dans le bois quand on va au pique-nique, là, loin de là, mais au moins, oui, plus à l'ombre qu'à la place de l'homme, plus d'espace qui, oui, amène des événements très populaire en fin de semaine pour le 16 juillet. Je crois que c'est la marque du pique-nique le plus achalandé de leur histoire. Alors, ce n'est pas rien. Et surtout, j'ai pas eu l'impression qu'on se marchait tant sur les pieds. J'ai pas eu ce sentiment-là. Mais en même temps, chacun a sa bulle. Fait que ça se peut que la tienne, elle fasse comme « Yeah, boy! » Moi, je me sentais coincée sur la piste de danse. Chacun sa discrétion, mais la piste de danse, justement, est très, très, très, très grande par rapport à avant. En bois, entouré de palettes. Ah, des palettes partout. Les palettes sont à la mode. De la crowd de palettes, oh, je dis, parce que, il y a comme des colonnes complètes de palettes. Des bords en palettes, partout en palettes. Et je trouve surtout, et bien heureusement que la petite scène est mieux investie. Avant, j'avais l'impression, dans les années précédentes, que ouais, c'est comme la scène quand t'étais tanné du beat de la grosse scène, t'allais voir ce qui se passait ailleurs. Là, elle commence plus de bonne heure et elle est dans... Oui, il y a du faux gazon, mais il y a aussi comme... Les deux ont une colline, mais je trouve que celle de la petite scène est encore plus entre les arbres. Il y a quelque chose de... Ah! J'allais dire féerique. Bon, faut peut-être avoir le féerique large, là, mais bon. Moi, je trouve que pouvoir s'asseoir dans le gazon, se prélasser et prélasser, il y a plein de chaises à cette heure. Je trouve que oui, ça aura vraiment été bénéfique pour la crowd, ce changement. Changement obligatoire, faut comme le concéder, là. Je sais pas si il y avait pas eu les rénovations du parc Jean-Drapeau que ce serait jamais passé, mais au final, un changement pour le mieux, pour mieux danser, avoir plus d'espace et mieux relaxer, parce qu'il y a quand même beaucoup de ça aussi au pique-nique ou dans différents événements. Là, on n'est pas toujours en train de s'énerver devant l'artiste, on est des fois juste en train de profiter de l'ambiance en général, et c'est bien le cas pour les pique-niques. Alors, sur ce... J'avais envie de vous passer Monsieur Oiseau, mais c'est ça qui est plate, c'est que je l'ai pas découvert au pique-nique électronique, je l'ai découvert à l'Igloo Fest, mais bah, on s'astinera pas pour un excellent DJ. Alors Monsieur Oiseau avec la chanson Positif. Arrêtez de vous reproduire. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Vous allez crever. Animaux. Monsieur Oiseau sur les ondes de la marge. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd au pique-nique. Et puisque l'événement des pique-niques électroniques commence à 2h l'après-midi, finit à 9h30 le soir, j'ai envie de dire que, quand même, sans dire deux crowds différentes, là, il y en a qui sont là toute la journée, c'est des résistants, parce que c'est quand même une longue journée. Et le lendemain, plusieurs travaillent, tu sais, un dimanche, le lendemain, c'est quand même lundi. Mais ouais, j'ai envie de dire qu'il y a une crowd de jour, une crowd de soir. Mais il y a surtout, parce que déjà en partant en après-midi, il y a quand même moins de monde. Mais, mon Dieu, dimanche dernier, il faisait chaud. C'était quand même assez accablant. Et on pouvait même sentir la différence de la petite scène à la grande scène. Parce que, justement, il n'y a pas d'arbres. Il y a juste du bois. Il y a juste le plancher en bois de la grande scène. Et c'est ça plombait le soleil. Alors, il y avait beaucoup plus de chest. Oui, plus de chest à la grande scène qu'à la petite. Alors, il fallait moins se dénuder pour mieux supporter la chaleur à la petite. Et oui, de jour, ben effectivement, il va peut-être avoir plus de familles, plus d'enfants qui vont être présents. Oh, des bébés avec leurs gros casques, protéger leurs petites oreilles. Oui, je trouve ça... Moi, j'adore ça qu'il y ait autant de parents, de familles qui puissent aller dans des événements on appelle ça des événements familiaux par principe que, mais oui, tout le monde est accepté, mais pas familial dans le sens d'être destiné purement à des enfants. Puis, mais non, déjà éduqué à la musique, c'est si agréable, partager des passions, c'est si beau. Et j'ai envie de revenir sur l'ambiance en général. Je crois que ça dépend pas de jour ou de soir, mais peu importe, le DJ présent, pour moi, qui j'aime beaucoup le rock, puis quand tu connais ta tune, t'es bien excité, puis tu sais, rentre dedans, tandis que là, on est dans des tempos où c'est en boucle, tu sais, on est en musique électro, puis c'est de trouver son beat, puis avoir le temps. C'est pour ça aussi, arriver à l'avance, ça vaut la peine, juste pour être... Ouais, dans le mood! Parce que autrement, il me semble que des fois, j'étais là, je dansais, puis là, j'essayais de saisir la crowd qui dandine. Ouais, ça va tranquillement, pas vite. J'ai l'impression que les moments de folle danse sont un peu plus tard en soirée. Des fois, ça va quasiment, on dirait, à des dance battles, là. T'sais, c'est comme le monde devient fou. Là, ils regardent les autres. Ils font des aïe, aïe, aïe. T'sais, comme des acrobaties. Des pirouettes. Oh, il doit des fois en avoir quand même. Mais mouvement fantaisiste, très technique de la flexibilité. Plus tard, sûrement aussi pour, justement, avoir été dans le mood. Tandis qu'en journée, on dirait qu'on est plus là à gauche, droite. Mets mon poids sur le pied gauche, gauche, droite. Droit, gauche. Ouais, un petit dandinement bien, bien tranquille. Surtout danser à côté de sa bouteille d'eau. Danser à côté de sa sacoche à terre, que personne n'écrase parce qu'il n'y a pas encore trop de monde. C'est ça la différence entre l'exubérance du soir et la certaine inquiétude du jour. Et chose par contre, c'est que oui, la crowd, là j'ai mentionné les familles, mais c'est une crowd bien variée. Il y en a qui reviennent souvent et... Le pire, c'est que c'est souvent ceux qui sont costumés qui reviennent souvent. Tu sais, à chaque semaine, il y a tout le temps une licorne qui se pointe. Et c'est pas toujours le même costume. C'est toujours la même personne dans le même costume de licorne. Il y a aussi... Ah, il y en a un, c'est un... Lui, il varie. Là, c'est un Superman puis un Popeye. Parce que je l'ai revu. Mais en même temps, oh mon Dieu, il ressemble à deux gouttes d'eau à Popeye. Fait qu'il devrait toujours garder ce costume-là. Là. En tout cas... Sinon, parmi tous ces festivaliers, il y en a qui... Ouais, peut-être pour une étrange raison, ouais, j'assume d'avoir dit étrange. Une étrange raison me touche dans mon petit cœur, c'est ceux qui ont vraiment la barbe blanche. On voit que c'est des vétérans du club. Ils sont c'est une coupe à venir souvent et je trouve qu'il y a l'âge qui passe, la sagesse, et la sagesse entre guillemets, là, celle qui te pousse à avoir une vie tranquille, à plus sortir, mais si en même temps c'est ça que t'aimes, la musique électro, puis t'aimes ça sortir, puis t'es vois jamais, je sais pas, c'est pas du monde qui ont l'air à des épaves échouées là dans une taverne, tu sais, ils sont alertes, ils s'amusent, ils boivent, mais en même temps ils sont pas, tu sais, ils restent pas tard, mais ils arrivent pas trop tôt non plus là. J'ai pas dit que c'était des grands-pères, puis ils sont comme, oh mon Dieu, il est 6h, faut que j'aille me coucher. Non, tu sais qu'ils ont encore beaucoup de jeunesse en eux. C'est genre, Ça se voit physiquement aussi par l'énergie qu'ils ont de danser. Et je trouve que c'est encore plus à... Mais oui, avec l'âge, parce que tellement de monde qui arrête de sortir juste parce qu'ils se disent « Ah, oh, je suis rendu à tel âge. Ah ben là, je peux plus sortir. » Puis il n'y a pas d'âge non plus. Là. C'est pour ça que je t'en mentionne pas. Il y en a pour qui c'est 22 ans, il y en a pour qui c'est 40. Puis il y en a pour qui il n'y en a pas, parce que pour ces hommes qui ont peut-être, je sais pas, moi, peut-être une soixantaine d'années, je fais juste présumer, ben ils sont là, heureux. Et ouais, un record toujours neuf, puis j'ai envie de leur dire bravo, mais en même temps, j'ose jamais parce qu'ils vont vraiment... ils vont jamais comprendre pourquoi je veux comme les féliciter, genre, bravo, tu as continué parce que tu étais passionné ou tout simplement parce que tu aimes sortir. Sois fier. Là, c'est un peu étrange. Là. C'est pour ça que je t'ai dit étrange. Je pense que c'est bizarre. Donc, c'est un peu étrange d'avoir cette réflexion-là, mais je trouve ça, ouais, j'ai envie de dire honorable, merci. Merci à toi, Fintor. Même si Fintor est peut-être pas le meilleur terme, ça sonne un peu... ça, ouais. Bon, toi, pendant la musique, moi, vous trouvez un autre mot. Et d'ici ce temps-là, ben ouais, on va écouter Mistress Barbara parce que elle est là à chaque année. C'est vraiment une habituée des pique-niques. Et on va écouter J'étais une fleur parce que, hein, c'est YSM, on aime ça, les fleurs. douceur de toutes les couleurs. Vous venez d'entendre Mistress Barbara avec la chanson « J'étais une fleur ». Après les publicités, des histoires de palettes en bois et le bal en blanc. Oui, oui, le bal en blanc. Après les publicités, à tout de suite. Bonjour, je m'appelle Charlie Pouliche. Vous m'avez sûrement déjà entendu dans d'autres publicités telles que CSM, c'est ben cool et les bartends, y est bière, miau fun. L'été approche et quoi de mieux que de nouvelles sorties de disques? Ça tombe bien parce que Slam Disc a de belles nouveautés à vous proposer. Courez sur l'Internet pour vous procurer Lead, le nouvel album double de Smash Hit Combo. Appelez vos amis pour célébrer la sortie de Rippé Rock l'Univers, le plus récent EP de Rippé. Et finalement, annulez tous vos rendez-vous et allez vous procurer le EP Déballer le présent extra de Noé Talbot. Enlevez votre linge et soyez énervés car toutes ces sorties sont disponibles sur toutes les plateformes numériques. Yay! Pour des dimanches dansants, festifs et ensoleillés, c'est à Pique-Nique électronique qu'on se donne rendez-vous cet été. À venir, Chloé, Juice et Sebalos, Lexis, Back to Back, Seb Fauteux, Motor City Drum Ensemble, Roman Flugel, Shanti Céleste et plusieurs autres. Pique-nique électronique à savourer tous les dimanches de l'été jusqu'au 24 septembre. Pour plus d'infos, allez faire un tour au pique-nique-électronique.com. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda, qui vous propose cette semaine. Le Festival international Reggae de Montréal présente sa 14e édition du 18 au 20 août sur le quai du Vieux-Port de Montréal, mettant en vedette Inner Circle, Conscience, Charlie Black, RCD, Ding Dong, Eutana, Sanchez et beaucoup d'autres. Soyez-y! Festival international Reggae de Montréal, les 18, 19 et 20 août au Vieux-Port de Montréal. Achetez vos passes week-end en ligne maintenant au ticketpro.ca. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Du 20 au 23 juillet, on quitte la ville pour le festif de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix. Programmation unique, spectacle surprise, paysage à couper le souffle et produits locaux à seulement 50 minutes de Québec. J'ai hâte au festif. Lefestif.ca. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Yeah. Miss France que vous venez d'entendre sur les ondes de CISM avec la chanson Danse. Ben oui, en ce spécial pique-nique et tout autre événement où il y a de la gigote sur, dans ton body, je trouve que c'était bien une circonstance. D'autant plus que Miss France seront en spectacle ce soir à la Brasserie Beaubien. Ben oui, ils sont en visite au Québec et ils vont jouer avec Double Date with Death, Def et Possum, Brasserie Beaubien. Hey là là, ça va être sympathique cette soirée-là. Ben oui, critique de crowd. Elle a toujours des bonnes suggestions de crowd, justement, à vous faire, parce que tant qu'à en parler, autant bien en voir en vrai. Et ce soir, il y a aussi, dans le cadre de Zone Oma, Chose Sauvage, qui va jouer avec Zagata à la Maison de la Culture de Maisonneuve. Ben oui, dans Hochelaga Maisonneuve. Vendredi, le Festival Nuit d'Afrique continue et au Théâtre Fairmont, il y aura Bendidas, qui est un duo de femmes bien explosives et charismatiques. Il va avoir de l'ambiance et de la chaleur dans l'air. Samedi, Night Jowl avec Geneva Jacuzzi et Harriet Brown joueront à la Vitrola. Dimanche, les Rockers de Spoon seront en spectacle. En première partie, il y a The New Pornographers. Et le tout se passe au Métropolis. Et pour toi, métalleux, le même soir, il y a Dragon Force au Théâtre Corona. Et, ah, ben oui, encore pour toi, métalleux, ben ouais, je pense à toi, Lamb of God va jouer au Métropolis. Et pour toi qui préfères un petit show plus tranquille à la Casa del Popolo, l'excellent Traveling Headcase sera aussi en prestation. Mardi, il n'y aura pas! J'ai bien marqué, hein? C'était annulé comme spectacle. Alors, Pony, le groupe du Québec avec un I, mais plutôt Pony avec un Y, ne joueront pas à la Casa del Popolo avec Smithers. Sache-le. Alors, pour ton mardi, je te suggère plutôt d'aller au Ritz PDB parce que dans le cadre de 77 Montréal, qui va avoir lieu à la fin du mois, et Fantasia, ben, ils présentent le documentaire Turn It Around, The Story of East Bay Punk. Ben ouais, c'est sympathique tout ça. Mercredi, finalement, La Greffe va jouer avec Van Hou au Divan Orange. Sur ça, on va continuer avec les chansons du palmarès francophone de CISM. Fudge et Half Bake ont d'excellentes chansons, puis on s'en va les écouter. We'll be right back. regarde comme un con indifférent. Pourquoi faudrait te gâcher? Si je peux rien faire, tu peux te sauver de l'hiver jusqu'à l'automne. Je veux jamais laisser tomber. Parle-moi de ça, des messages de même, mets ton casque. Mais oui, c'est une sage suggestion de la part de Half-Bake qui vous a chanté Beau Bike. Et vous avez aussi entendu Satan de Fudge. Et pour d'autres chansons comme ceux-ci, ben oui, c'est ism893.ca. Allez voir le palmarès. Franco, anglo, instru, puis plein d'autres balados de toutes les émissions de la station. Et il y en a même 12 de critiques de crowd. Fait que des heures et des heures de plaisir, d'écoute et de réécoute. Parce que oui, tu écoutes critiques de crowd. En ce spécial, dansant, en ce spécial musique à l'extérieur à la plaine des jeux. Ben oui, encore les pique-niques électroniques parce qu'il est arrivé, je crois que c'était il y a 2 semaines, ça fait pas si longtemps, il est arrivé un incident qui allait inévitablement arrivé, là. C'était marqué dans le ciel, là. C'était évident. Tu sais, en plus, je dis marqué dans le ciel, mais tu sais, la scène des pique-niques, la grande scène, est devant le Molson. Ben, écoute, c'était gros comme les néons Molson. C'était marqué gros de même qu'un jour, il y a quelqu'un qui allait grimper ses palettes. Je vous ai dit qu'il y avait des palettes un peu partout sur le site qui servent de décoration. J'ai beaucoup l'esprit grimpouilleur. Je crois que je suis un peu acrobate dans l'âme, puis je suis jamais vraiment... Oui, j'ai pris des cours de gymnastique il y a un an ou deux ans, mais après ça, ma technique est plutôt limitée. Mais j'ai ce genre de réflexe-là, moi, et tout, de me dire plein de palettes. Me semble que ça se grimpouille bien. Me semble que ce serait le fun de danser sur le top. Mais je le fais pas parce que j'ai pas envie de me faire mettre dehors du site. Parce que j'apprécie bien l'événement. Fait que je cherche pas le trouble. Surtout qu'il y a une grosse affiche. Ben, grosse. Une correcte grande affiche marquée « Interdit de grimper ». Interdit de grimper. Avec une espèce de filet aussi pour contribuer à pas trop grimper. Mais bah... J'ai tellement envie de dire que cette affiche ne dit pas transgresse-moi, je t'en prie. Mais autant marquer le fait que c'est interdit donne encore plus le goût de grimper. Aïe, aïe, aïe, esprit rebelle. Mais je le dis parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Enfin, je suis pas toute seule à penser de même certain, là. Et ça a été assez de surprise parce qu'on était vers la fin de la soirée et c'est par la crowd carrément qu'on pouvait réaliser qu'il y avait quelqu'un sur le top des palettes parce que ça s'est mis à crier. C'est « Ouais! » Hey, un enthousiasme, un emballement pour la situation. Oh oui, la crowd était en liesse. Il avait trouvé son public. Et je crois que ça avait encore plus motivé le danseur à danser puis à s'amuser. Alors c'était son moment de gloire. Et son moment était assez long, merci. Pour de vrai, j'ai été assez surprise de... Là, dis de même, ça a l'air pas fin, mais de la lenteur, de la sécurité. Tu sais, tu le sais que t'as pas le droit de grimper. Il a dansé facilement, là. Ah oui, il a dansé 5 minutes. J'ai envie de dire moins, là, juste pour avoir l'air raisonnable, mais non, ça a été très long pour quelque chose, je me disais, comme voyons, il me semble avoir de la sécurité proche du DJ, proche des bars, pas toutes. Fait que là, finalement, finalement, ils se pointent, les gardiens de sécurité, là, ils grimpent du mieux qu'ils peuvent, mais faut savoir que oui, les palettes sont toutes reliées, et qu'il y a le boot du DJ, fait que là, le gars, il commence à courir, fait que là, la foule, elle devient encore plus folle, ils sont comme, c'est comme trop excitant, là, tout le monde est avec le danseur rebelle. Pendant que les gardiens de sécurité courent le mieux qu'ils peuvent, ils ont l'air épuisés de la façon que je le raconte, mais sérieux, je les trouve pas si rapides. Mais ça, ça aurait pu prendre 30 secondes, puis le gars, il aurait pu danser quelques secondes, ils auraient été terminés. Là, vraiment, il a pu profiter du moment, là. C'est assez incroyable. Puis, on pourrait se dire qu'il est baveux. T'sais, baveux, il aurait juste pu dire « Ok, je descends ». Je sais pas si c'est être « Ouais, téméraire » ou tout simplement, comme des fois, c'est un peu tata, là, mais t'sais, l'instinct de survie qui rentre pas au bon moment. Là, t'es comme « Oh mon Dieu, du danger, on veut m'attraper, je vais fuir ». Je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression que le gars, il a réfléchi de même. Ou ouais, un beau mélange de taquin et « Je vais m'enfuir ». Fait qu'il a réussi à traverser toute la scène dans un sens. Là. Fait qu'il a fait le décor de gauche, de droite à gauche, pour finalement se faire attraper devant, une foule complètement... Tu sais, dans toutes ces émotions en train de faire « Mon Dieu, c'est bien fou comme maman. » C'est bien fou comme maman, mais pauvre lui, il est sûrement barré à cette heure. Sur ce, c'est bien beau ces moments-là, mais des fois, il y a un prix à payer. Alors, on va écouter Beat Sexu avec leur compilation Open House Québec. Ils ont une chanson qui s'appelle « Trasher le Dance Floor » de Odile Dupont. Il a pas trasher le Dance Floor tout à fait. Lui, il est allé au-delà. Passer mes nuits, tu ne vois pas que j'ai envie de toi dans mon lit. Tu m'étincelles, tu me ficelles, je te harcèle, me trouves-tu belle, collante comme le miel. Je suis partout, je fais des yeux doux, j'attends toujours un rendez-vous. Que tu tombes à mes genoux. Je te suis ici tous les samedis. Je te suis ici dans maudit. Tu me fais sortir de mon lit. Chez le Dance Floor sur les ondes de la marge avec Critique de Crowd qui jase la piste de danse du pique-nique électronique où il y arrive des moments malheureux. Ah! Je suis encore triste, tu vois, je suis pas capable de m'en remettre, cher auditeur. Je suis pas capable de m'en remettre parce que pendant que notre danseur se fait arrêter par la sécurité, ben moi je continue à danser quand même. Là, faut bien profiter du moment présent. Et Ouais, tu sais, j'ai dit que j'étais un peu acrobate. Des fois, je faisais comme des cambrées arrière, puis là, je portais une casquette. Et, ben, je pensais que je pensais qu'elle allait tenir solidement sur ma tête. Non. Et elle est tombée. Là, vous allez me dire, c'est pas une anecdote, ça, Jolène. C'est juste comme un fait. Oh, c'était un fait, mais ma calotte, c'est la fameuse calotte philosophique que je t'ai parlé il y a quelques semaines sur les ondes. Oui, si tu n'es pas au courant, c'est le moment, hein, comme suggéré d'écouter les balado-diffusion. Mais oui, elle suscitait des grandes conversations existentielles, puisqu'il était marqué OB. Et pour de vrai, genre, je sais pas pourquoi elle suscitait autant de... Oui, en même temps, non, mais en même temps, c'est juste une calotte, mais elle avait comme un pouvoir mystérieux. Fait que, puis elle appartenait à Mike de Bol de Gruyot. Alors, j'y tenais vraiment beaucoup. Elle était merveilleuse et fantastique, cette calotte-là. Délavée, juste correcte. Et là, elle tombe. Mais elle tombe pas tout à fait. Elle est tellement magique. Elle volait. Et elle s'est faite voler! Ah! Je suis encore choquée. Vraiment. Parce que je l'ai pas vue tomber. Ça fait comme, ah, elle tombe. Ah, y a rien à terre. Ah, je vois rien. OK, y a du monde qui part. OK, ils sont pas, pourquoi tu pars avec une calotte vieille, là? Comme, elle est pas neuve. Elle est pas spéciale. Mais moi, elle est spéciale dans mon cœur. Elle suscite. Peut-être que ça paraît beaucoup qu'elle est magique. Fait que c'est pour ça qu'il est parti avec. Puis là, genre, c'est une question de seconde. Puis là, j'étais comme, non. Je suis pas capable de retrouver le monde dans la foule. Tu sais, quand la crowd, ça devient comme une espèce de marée. Tu sais plus de distinction sur les gens, leurs bras, qu'est-ce qui est acquis. Puis t'es comme, ah! Ah, c'est qui la personne? C'est qui? T'as trouvé pas. C'est fini. c'est fini la calotte obé. Puis là, j'étais vraiment triste. Puis je continuais à danser triste. Hey, t'as-tu essayé? Danser triste, t'essayeras ça, crowd. C'est quand même particulier. J'étais comme, ah ouais, je vais rester tant qu'à faire, tu sais, genre, quand tu veux que je le retrouve? Comment je vais le retrouver? Le site est tellement plus grand en star que, t'sais, un petit pique-nique, c'est genre 6000 personnes, là. Fait que, bonne chance de retrouver ta calotte. Puis là, j'étais triste. Puis après, je me dis, va chercher! Vas-y. Puis je me dis, mais il est trop tard. Plus le temps avance, plus il est vraiment trop tard. Fait que là, justement, tard, juste attends que le site il ferme. Fait que je m'en vais chemin du départ. Et avec des comparses, ben on fait « Hein! Check, Jolene! Il y a une chemise à terre! » Alors, je suis partie avec une chemise qui ne m'appartient pas. Et c'est le moment... c'est le moment le plus drôle. J'ai comme agi dans un troc involontaire de garde-robe. C'était un échange vestimentaire accidentel. Je trouve ça particulier. Je sais pas comment je le vis, parce que je veux toujours avoir ma calotte, mais j'ai une chemise qui ne m'appartient pas, comme en rançon. Je suis comme, ah, ramène-moi ma calotte, mais j'ai une chemise, si tu veux. Alors, justement, cher auditeur, je suis un peu... j'ai des drôles d'idées, des fois, puis je me suis dit, OK, on le fait. Alors, j'ai perdu une calotte, alors je me suis dit, je suis prête à échanger une chemise homme large en denain. Elle est très belle, mais elle n'est pas à moi. Et je suis prête à te l'échanger contre une calotte. Alors, t'as juste écrit au Facebook de Critique de Crowd. Moi, je te pose ta chemise, puis toi, tu m'envoies une calotte. C'est un bon échange pour toi. Je l'espère, parce que ça pourrait être ma prochaine calotte magique. Et déjà qu'elle soit à un auditeur de la marche, je pense que c'est magique en soi. Sur ce, ben parce que OB était marqué sur ma calotte, ça me donne encore l'occasion de mettre du OB de Brave. Et avec la chanson « C'est la vie », effectivement, des fois, les pertes d'objets, c'est la vie. I'm dead. The Brave sur leur avant-dernier album Salvation et la chanson C'est la vie sur les ondes de CISM, critique de crowd, Jolene! Voyons donc! T'étais au bal en blanc? Ouais, il y a des choses comme ça que je m'y attendais pas. Parce que c'est pour ça que je t'ai dit en début d'émission que ça me bouillonnait en moi tous les questionnements puis la tout ce que ça peut susciter des événements tels que le bal en blanc qui a une sacrée réputation. Ah là là, fameux événement organisé durant la semaine bal en blanc. Parce que oui, il y avait d'autres événements autour que le bal en tant que tel. Mais faut dire que ce qui se passait au Palais des Congrès, particulièrement une année où il y avait David Guetta, pour ne pas dire en 2013, et pour ne pas dire un fameux topo de TVA qu'il y a quelqu'un qui dit « Pou, pou, pou! Guetta, oublie ça, c'est une machine! » Et qui a marqué les internets et qui a marqué l'esprit populaire. Je veux pas commencer une phrase. Parce que moi, premièrement, ça me désole complètement de réduire des amateurs de musique. Oui, de musique électronique. Et on pourra penser ce qu'on veut de David Guetta. Oui, c'est de la musique populaire. Et oui, la musique électronique est quand même de plus en plus populaire avec l'electronic dance des années 2000. Des événements comme les pique-niques qui étaient plus underground sont devenus, oui, beaucoup plus larges, beaucoup plus populaires. Est-ce qu'on doit accuser le genre? Est-ce qu'on doit accuser que des artistes le soient? Et qui attire beaucoup de monde et qui attire une variété de gens qui n'ont pas toujours l'éloquence de marquer leur amour pour leur artiste avec un vocabulaire précis et incroyable et n'utilisant pas de onomatopée. Je suis la première à m'en servir tout plein seulement. Seulement la réutilisation de ce topo-là, je le trouve tout à fait triste. Et que ça entretient différents clichés et préjugés. Je vous disais tantôt, les pique-niques électroniques ont voulu démocratiser la musique électro parce que oui, hélas, parce que je crois que chaque genre musical a aussi sa drogue, mais il y en a que c'est peut-être plus tenace. Et justement, avec certains décès dans certains festivals de EDM il y a 2 ans, ben oui aussi, ça n'aide pas. Ça n'aide pas, je trouve, cette communauté qu'est les amateurs de la musique électro. Et oui, en même temps, quand c'est des événements, disons, grand public, on dirait que c'est beaucoup plus facile à attaquer. Je trouve qu'il y a un certain... C'est parce que dernièrement, j'ai entendu même quelqu'un dire « Ah oui, on va aller au pique-nique, on va aller rire des douchebags », comme s'il y avait que des douchebags dans la crowd. Et je trouvais que c'était une généralisation un peu étrange. Étrange et méprisante et déshumanisante. Réduire quelqu'un à il se bronze, il fait du gym, puis il aime ça sortir. Ben écoute, il y a plein de monde qui peuvent rentrer dans ces cadres-là et qui sont charmants, intéressants, gentils, drôles. Faut juste prendre la peine de leur jaser ou juste de pas les réduire à cette apparence-là. Et surtout parce que ça, c'est comme les hipsters. Je veux dire, il y a personne qui se proclame hipster, il y a personne qui se proclame douchebag. Et on dirait qu'on aime bien jouer avec cette image-là parce que on peut en rire, on peut juger, et en même temps, personne ne se sent exactement visé, parce que personne ne veut l'être et personne ne l'est non plus. Et surtout ça, le point, personne ne l'est. Non! Et je te dirais même qu'avoir été au bal en blanc, c'est même pas ça qui m'a marqué. Je me suis pas dit, oh mon Dieu, les colosses, le monde sont baraqués. Non, jamais! C'est vraiment étonnant, mais ça a été du tout le cas. Je te dis pas qu'il y en avait pas. Et je te dis pas que, je sais pas, c'est mes yeux à moi. C'est les yeux de critique de crowd. Et c'est les yeux de Jolene Ruet. Mais non, c'est vraiment pas le premier truc qui m'a marqué. Et j'espère, oui, que critique de crowd amène ça aussi, de regarder les gens avec les yeux du cœur. c'est un peu qu'il y a tellement... Non, c'est Jerry Boulay, c'est correct. Mais oui, il y a de ça à la base. Parce que sinon, je trouve que c'est se mettre des œillères et essayer de pas comprendre les gens. Puis un événement tel que le bal en blanc qui amène 15 000 personnes. Ben écoute, il y a pas 15 000 douchebags, puis il y a pas 15 000 personnes à mépriser certains. Et cette année, ça a été exceptionnellement. Je dis exceptionnellement encore une fois parce que je suis pas sûre que ça va revenir l'année prochaine. Mais oui, pour sortir du Palais des Congrès, ils étaient dehors. Paraît-il que ce serait plutôt pour le 375e anniversaire pour avoir une différente formule qui était l'après-midi qui finit à 10h le soir. Encore une fois, des heures tout à fait différentes qu'à leurs habitudes. Et ça avait lieu le 28 mai dernier, encore une fois, aux plaines des Jeux. Il y avait Martin Garrix et tout plein d'autres DJ que j'avoue... Ça, c'est le moment où j'avoue que j'en connaissais pas un seul. Mais il y en a plusieurs, justement, comme Martin Garrix ou Borgore, qui m'ont particulièrement marqué parce que dans la crowd, il y avait des gens qui avaient carrément fabriqué, c'était vraiment artisanal, des gilets, des accessoires à l'image des artistes. Je trouvais que ça faisait très punk. Juste, je vous ai dit que ça allait déconstruire complètement l'image qu'on pouvait avoir du bal en blanc. Mais déjà en partant, artisanat et bal en blanc, c'était pas quelque chose que je m'attendais. Et pour le mieux, tant mieux, j'aime ça. Et on va continuer parce que, hey, en musique, c'était tough de juste parler de blanc. De balle, je pourrais pas te dire, mais de blanc. Souvent, ça va ensemble, noir et blanc. Parce que justement, il y a beaucoup de parts d'ombre dans la vie. En noir et blanc, guéris la poubelle. En noir et blanc de Guérilla Poubelle sur leur album Punk égale existentialisme. Et vous avez aussi entendu Red Mass, noir et blanc, sur leur album Rouge numéro 2. Ben oui, du blanc pour te jaser, du bal en blanc. Parce que le look est important, c'est pas pour rien que ça s'appelle le bal en blanc, faut que tout le monde soit habillé en blanc. Et quelle perspicacité, ben oui, ben oui. Et il y a surtout beaucoup de pères. Alors, beaucoup de gens qui se costument, oui, parce que 10 balles, je crois qu'il y a un esprit carnavalesque dans tout ça. Alors, des boas, des paillettes, des paires d'ailes d'ange. Là, vous allez me dire, c'est déjà deux pour avoir une paire, ça, Jolène. Non, pas exactement. C'est parce que les filles se mettaient en paire. Il y a comme deux fois deux anges. Parce que, ouais, non, c'était pas un mono-ange lit, là. C'était vraiment comme les BFF s'agençaient. C'est ça que je veux en venir. Et c'est le truc que je me serais peut-être pas attendu non plus. Que de surprise au ballon blanc, tout le temps, partout. Mais oui! Il y avait déjà comme l'uniformité que tout le monde doit s'habiller en blanc. Fait que là-dessus, personne va être original. Et en même temps, ça fait aussi un sentiment d'appartenance avec l'événement parce que tu vois les gens dans la ville. Ah, tout le monde est habillé en blanc. Oh, ils sont à la même place que nous. C'est sympathique. Et le sentiment d'appartenance avec ton groupe d'amis parce qu'il y en avait beaucoup, justement, accessoires rigolos, accessoires coquets, accessoires, qui font en sorte que, déjà, vous vous sentez en groupe ensemble. C'est cute. Et aussi, vous pouvez vous reconnaître dans la foule. Ah! Tu sais, quand il y a beaucoup de monde, puis que t'es du genre à te perdre facilement. Ah, ben oui. Ah, mes amis, c'est ceux qui ont un grand chapeau blanc, là, haute forme. Ah oui, ah, c'est mes amis qui ont apporté une grosse ballonne des Schtroumpfs. Ben ouais. Fait que là, ils sont faciles à spotter. Hey, en passant, ballonne hélium. Tu vois, je suis un peu perturbée parce que moi, je pensais que l'hélium, on était encore en crise. En 2012, tous ceux qui voulaient commander des ballons à l'hélium, là, hey boy, que tu te le faisais dire par le magasin de farce et attrape que ça existait plus. Il était comme, mais madame, vous savez pas, il y a une crise d'hélium en ce moment, nulle part. Puis à chaque fois, t'allais au Dollarama, puis il y avait tout le temps des ballons. Enfin, je comprenais pas comme la crise d'hélium existait partout sauf au Dollarama. Mais elle doit bien être rétablie où tout le monde va encore une fois dans les magasins à une pièce parce qu'il y en avait sur place quelques-unes, justement, pour se reconnaître dans la foule. Et qui dit habillement, qui dit bal, dit aussi l'occasion de bien se grayer. Et c'est là aussi que rentre en compte l'aspect ami, duo d'amis, meilleur ami et s'agencer pile. Parce que se mettre cute, oui, c'est le fun tout seul, mais je trouve que ça sentait beaucoup la préparation. Ça a l'air d'une même. Mais écoute, deux filles qui ont les mêmes shorts, c'est pas par hasard. Ben, c'est par hasard, ils ont les mêmes goûts. Ils vont au même magasin, puis après ça, ils font « Ah non, tu m'as copié! » Mais non, ça sent l'organisation. Fait que ça veut dire ils sont allés magasiner ensemble, ou du moins, ils ont dit « Hey, tu iras acheter la même paire de shorts que moi pour quand on va aller au bal en blanc. Même top, même souliers. » Il y en avait, là, c'était de la tête aux pieds, avec tout en blanc. Et mais je me suis dit, ben oui, ça demande de l'organisation, de la préparation. Et aussi, ben, il y en avait, c'était vraiment beau, là. Il y avait mis du temps. Il y avait un beau maquillage élaboré. Il y avait des belles coiffures, du temps, de la préparation. Et c'est un beau moment à passer entre amis. Ben oui, se faire du vernis. Oh, c'est cute. Passe-moi tes ongles d'orteil. Je vais les rendre tout beaux. Et il y a cet aspect-là de plaisir, oui, de prendre soin de soi. Mais aussi que moi, je vous parle tout le temps du show en tant que tel, tu sais, la critique de crowd. Je vous parle jamais de la préparation, là. Je m'en fous un peu de ton pré-drink avant que tu t'en vas voir ton show de punk rock préféré, là. Tu sais, ça, ça veut juste dire que t'as besoin d'être un peu feeling pour aller trasher, là. C'est le seul point que je peux retenir de ton avant-spectacle, de ta préparation. Mais pour le bal en blanc, c'est même très flagrant de pouvoir autant s'agencer comme ça entre amis. Ben, il y a eu de la discussion. Puis pour moi, c'est un beau signe d'amitié. Et en même temps, il y en a tellement comme pour qui le bal des finissants, le mariage, c'est quelque chose, je le dis un peu gravement, là, c'est parce que moi, ça m'intéresse pas tant ces événements-là, comme mon bal des finissants, je garde les cheveux lousses, là, c'est pour vous dire, mais c'est ça, il y en a pour qui, c'est l'inverse, c'est super important, il aime ça que ce soit beau, il aime ça avoir des belles photos, puis je trouve ça bien correct, puis même je trouve ça intéressant que le avant-événement soit presque aussi, ou si ce n'est pas autant important que l'événement en tant que tel. C'est fou! Mais oui, puis en même temps, je trouve ça bien parce que pour tout le temps que tu mets de plus par rapport à la durée de l'événement, ben vaut mieux, hein. Je veux dire, ils ont peut-être passé des heures et des heures, tandis que l'autre, ça dure, une journée ou quelques heures, dépendamment ton arrivée sur la plaine des jeux. Ouais! C'était fou, ça, je veux dire, hey! J'aurais jamais pensé à ça. C'est pas un punk pis un métalleux qui me font penser à à comment ils se grillent, l'importance que ça donne et l'appréciation que ça a dans la crowd. Parce que là, les gens se disent « Ah, t'es beau, c'est que t'as pris ça, c'est bien cute. » Puis là, ils s'échangent. « Ah oui, je suis allée à telle place. » Vraiment, il y a eu de la discussion par rapport au vestimentaire. C'est quand même intéressant. Puis c'est ça le but aussi, ballon blanc. Faut tout être bien en blanc, tant qu'à ça bien en blanc, autant. Et déjà, là, c'est qui que... C'est pas tout le monde qui a des shorts en blanc, certains, là. Et ça m'amène aussi au concept de beauté. Parce que la beauté, c'est bien... relatif à chacun. Là, ça a l'air têteux, là, dit de même, là. Je le sais, là. Je viens pas de... Ha! Je viens d'inventer rien de nouveau, là. Reste que quand on tombe dans l'excentricité ou la provocation, il y a toute la notion d'individualisme aussi qui rentre en compte. Comme justement, ta notion de beauté t'appartient à toi. Mais des filles qui sont en maillot, extrêmement dénudée, pourront dire certains. Oui, oui, il y en a une, par exemple, elle avait un maillot, puis on voyait beaucoup ses fesses. Et je l'ai entendu le commentaire d'un comparse qui m'a dit « Hey, quand même, tu sais, ça y faisait de quoi? » Et c'est juste par rapport aux valeurs ambiantes, tu sais, on trouve ça osé de montrer autant de peau. Mais pour moi, je trouve tellement que c'est justement une notion de courage. Ça a l'air drôle, de courage, dit de même. Mais tous les commentaires qu'elle pourrait subir. Parce que justement, il y a quelque chose d'un peu transgressif. Mais en même temps, c'est comme ça qu'elle, elle se trouve belle, puis c'est comme ça qu'elle, elle veut s'arranger, et qu'elle est capable de se présenter comme ça dans la crowd. Moi, je trouve ça beau, parce que je le ferais pas. Pas que je serais pas capable, mais c'est pas ma notion non plus de comment moi, j'aime me grayer. Et c'est justement dans cette variété-là. Puis aussi, tu sais, je suis certaine qu'elle a passé une bonne journée, la fille, là. Tu t'habilles pas comme ça en disant comme « Oh non, je vais recevoir plein de commentaires plates ou des jugements de valeur. » Non! Clairement, elle a eu du fun. Il y a aussi ce sentiment de liberté-là qui amène ces événements qui, ouais, font une parenthèse. Quand je dis carnaval, il y a aussi cet aspect-là. Dans les carnavals, comme au Moyen-Âge, il y avait les inversions des rôles sociaux. Mais je trouve qu'au bal en blanc, il y a un peu de ça aussi. Si tu t'habilles comme tu veux, en papillon, en fée, ben c'est parce que tu le fais pas tous les jours à ta job au bureau. Là. Ben, tu devrais peut-être te le permettre, là. Mais en même temps, ça met un accent particulier sur cette journée-là. Le fait d'être permissif, de pouvoir, vivre ta beauté différemment. Et je reviens encore sur le terme de la beauté parce que oui, tu t'habilles bien avec que ce soit, oui, tu peux te foutre de ton linge, ben pour toi, ta notion de beauté, c'est exclusivement la beauté intérieure. Fait que ça représente aussi notre personnalité, mais il y a cette permission-là qu'amène cet événement-là, et plein d'autres aussi, là, je veux pas mettre ça exclusivement au bal en blanc, mais quand même, on le sent à travers certains habillements. Je trouve ça le fun. On dirait que je trouve ça drôle d'être émerveillée devant la crowd du ballon blanc. Oui, oui, c'est possible. Alors, on va continuer en musique. Bonheur blanc, parce que, ben oui, bonheur blanc, carapace. Bonheur blanc de Carapace, chanson qui se retrouve sur l'album Vert de Guiri. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd, puis vous me direz, hey, Critique, fait que finalement, ils sont bien beaux, mais qu'est-ce qu'ils font dans leur crowd, ces chères gens au bal en blanc? Aïe, aïe, aïe, ben écoute, ils profitent de ce show de Martin Garrix, jeune gaillard de 21 ans. Quand j'ai vu son âge, j'ai un peu capoté. Parce qu'en ce moment, ben en même temps, ça fit, là, il fait première partie de Justin Bieber, mais surtout, tous ses shows sont comme sold out. C'est grosse vedette de EDM. Extrait certain. Alors, vous aurez bien compris ce petit rythme bien sympathique. Et par contre, c'est ça qui est tough avec la musique électro. Ben oui, boucle, mais il y a souvent des moments de wouh! Puis là, explosion musicale. Et là, ça se met, on dirait juste une image de drum and bass. Non, de dubstep. Là, ça fait wouh! Puis là, boum, boum, boum. Ce sera mon imitation de dubstep. Et je suis bien heureuse de pas être un topo de TVA parce qu'en ce moment, sinon, je serais ridicule sur les internets avec mes onomatopées. Mais oui, je mentionne spécifiquement ce moment musical que je ne vous ai pas présenté à vos oreilles parce que je préférais que tu te l'imagines, cher auditeur de la marge, parce que c'est le moment le plus important dans l'action, dans la crowd. Oui, parce qu'autrement, ça bouge pas. C'est étonnant, hein? Tu vois un bal, danser. Non, c'est pas de même ça se passe. Ce serait trop simple. Non, pour de vrai, j'ai pas tant d'explications. Parce que Martin Garrix, il jouait à peu près à 6 heures. Vraiment attendu. On a vu la crowd, là. Elle s'est rassemblée à la grande scène, là. C'était intense de voir la foule se multiplier rapidement, l'attendant avec impatience. Et non, ça bouge pas. Dandinement. Oh, à peine. Pour de vrai, ça dansait pas beaucoup. Mais quand t'as le roar, tu sais, comme ça fait boum, boum, boum. Pendant après ça, oh, ça se calme, ça se calme. Là, à ces moments-là, de gros intense électro, là, le monde se met à sauter. Ils se mettent à sauter, là, partout. Mais en même temps, ils sautent pas dessus. Ils sautent sur place. Parce qu'il y a aucune, il y a aucune violence. Tu sais, oui, ça saute un peu, beaucoup à la folie, mais la folie amène pas non plus à une exubérance là qui pourrait attaquer son voisin. Non. Ça saute sur place, puis c'est ça qui fait que c'est drôle, les crowds, tout genre confondu là, de musique électro et surtout d'événements. C'est que je trouve, puis je pas la première fois que je vous le dis, cher auditeur de la marche, je trouve que c'est la plus belle foule à voir de loin. Dis de même. C'est peut-être pour ça aussi que le monde bouge pas beaucoup parce que ça regarde entre eux autres pis ils trouvent ça beau. Parce que c'est vrai que c'est beau, une crowd. Tu sais qui, là, c'est là. On voit un petit mouvement, là. C'est tremblotant sur le dessus de la foule parce que finalement, ça bouge pas. Mais tu sais, des petits mouvements de danse. Pis là, waouh! Le gros engouement. Après ça, ça arrête. Waouh! Engouement! Tu sais, il y a quelque chose de beau. Il y a une uniformité dans cette foule-là à regarder de loin comme un portrait. Là, on dirait que tu fais comme, waouh, mon Dieu, quel paysage. Mais quand t'es dedans, tu sais, je me suis quand même avancée pas pire, là, dans la crowd. Puis j'étais surprise. On dirait que je cherchais le spot où ça danse. Je me suis dit, d'avoir une coupe de fringants qui s'énerve plus que la moyenne. Difficile, ouais, à dire, à trouver. Est-ce que c'est parce que leur intention n'est pas autant de danser, mais à quel point il y avait beaucoup de vidéos? Ben oui, les gens filmaient, mais on n'est pas à un premier spectacle où il y a une certaine intention de vouloir conserver des souvenirs. Mais ça m'a, ça m'a quand même perturbé. Je pensais que ça allait danser pour de vrai. Non? Même pas jugoté. Mais je trouve que, pour toutes les fois, je vous dis, l'écoute avec la musique, là-dessus, ça correspondait tout à fait. Parce que les grands élans musicaux étaient accompagnés d'une force physique dans la foule. Mais le reste en rien. C'est fascinant, la crowd. Vraiment. Je trouve ça beau. Et c'est pour cette raison-là. Hey, on va checker. Ouais, préparer ma toune. On va écouter Les yeux du rock de Rouge Pompier qui est sorti sur Slam Disc Zoo 1, une compilation qui est sortie en hiver. Parce que justement, ça, c'est une reprise de Jerry Boulet. Je vous ai mentionné tantôt Les yeux du cœur. Puis je trouve que c'est un peu ça. Faut checker la crowd avec Les yeux du cœur. Puis pas toujours essayer de comprendre. Parce que bah, hein, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Sur ce, je m'appelle Jolène Ruet. C'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de CISM. Et je vous dis à la semaine prochaine. passer sur les planches, tenter la romance au chaud des mal-aimés. J'ai vu la solitude trachue avec un vieux rêve oublié qu'autour de minuit les punks sont partis. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du rock. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du rock. Les yeux du rock. Les punks sont partis, la fête a continué. Le soleil brillait au fond des punks blessés. Il y a de l'espoir caché dans la forêt des mal-aimés. J'ai vu le soleil briller et j'ai laissé le folk parler. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du rock. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du rock. Les yeux du rock. Solo! CISM est fier de s'associer à la 21e édition du Festival international de films Fantasia. Du 13 juillet au 2 août, inclusivement, découvrez plus de 160 longs-métrages et de 300 courts-métrages. Dans le cadre du festival, CISM 89.3 FM propose notamment les films suivants. Patty Cake, un film culte en devenir de Jeremy Jasper, racontant l'histoire vivifiante d'une jeune artiste rap au New Jersey. Et la première nord-américaine du film français, Les Serpents aux mille coupures. Un thriller puissant, signé Éric Vallet. Pour des détails sur ces films et toute la programmation, www.fantasiafestival.com. Billets en vente à l'Université Concordia ou sur le réseau Admission. Diplômé, vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20% de réduction sur l'abonnement au CEPSUM. Visitez le cepsum.umontréal.ca pour tous les détails. Inscrivez-vous dès maintenant. Du 20 au 23 juillet, on quitte la ville pour le festif de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix. Programmation unique, spectacle surprise, paysage à couper le souffle et produits locaux à seulement 50 minutes de Québec. J'ai hâte au festif. Lefestif.ca. Cette semaine, au Quai des Brumes, nos spectacles sont... Lundi 17 juillet, soirée DJ avec Arnaud Bolduc. Le mardi 18 juillet, Simba MM. Mercredi 19 juillet, Charles Landry. Jeudi 20 juillet, en 5 à 7, Les Flamandes. Et en soirée, Stars Die et Bright Fuchsia. Le vendredi 21 juillet, Grand Kahuna. Le samedi 22 juillet, Surftacular Party. Dimanche 23 juillet, en 5 à 7, Déplug présente Simon Kingsbury. Et en soirée, Dress Black Couteau Papillon, Ruby et Clément. Quai des Brumes, coin Mont-Royal et Saint-Denis. Pour plus d'infos et toutes les dates, visitez notre page Facebook. Ne manquez pas Session 375, une série de quatre expériences spécialement créées pour célébrer Montréal. Le 22 juillet prochain, c'est sous le viaduc Van Horn que ça se passe avec une session signée Block Party Oshiaga, un événement inspiré de la culture hip-hop des années 70 et 80. Au programme, art de rue, breakdance, bar à vinyle, zone pique-nique et DJ tels que DJ Premier and the Batter Band et Poirier Migration Sound System. On vous attend, c'est gratuit. Session 375, programmation officielle du 375e. Le festival Artefact de Valleyfield est de retour du 24 au 26 août prochain. Une programmation de feu sur un des plus beaux sets au Québec. Vous verrez sur scène Yann Perrault, Béris, Babin, Elliott Maginot, The Franklin Electric, Geoffroy, La Bronze, Lydia Kepinski, Les Louanges, Caravane, Maxime Gervais et plusieurs autres. De plus, le réseau de transport métropolitain Sud-Ouest vous offre gratuitement le transport vers Valleyfield à partir du terminus Angrignon. Présentez votre billet au chauffeur et voilà, vous êtes en road trip vers un festival inoubliable. Tous les détails sur festivalartefact.com. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Nous sommes le 20 juillet. Bienvenue à Roche-Papier-Ciseaux.